L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, vous êtes dans votre playlist Rock and New Wave hebdomadaire, vous êtes bien avec Stéphane, vous êtes bien dans l'heure du loup et vous êtes bien est un mot qui résonne un petit peu particulièrement ce soir puisque ce sera une playlist thématique en cette veille de Saint-Valentin, ce sera une playlist thématique consacrée à l'amour et justement pour rentrer dans le vif du sujet, on commençait avec un morceau qui nous évoque des aventures sur la couette, à l'instant c'était Bauhaus avec le titre Passion of Lovers et on va continuer avec un autre groupe à peu près dans le même style, mais des Américains, cela TSOL et le titre Love Story. Love Story. vrai son de la liberté. Le vrai son de la liberté, vous disais-je, avec Histoire d'amour. C'est pas terrible, moi je le fais en version française, du coup je vais rester en version originale. True Sound of Liberty and Love Story, qu'on écoutait à l'instant pour ouvrir cette playlist consacrée à la Saint-Valentin en ce mardi 13 février, mes petits loups. Alors, ouais, une playlist thématique, hein, une playlist qui parlera et qui évoquera un petit peu les passions de l'âme, les battements du cœur et accessoirement le frétillement des couilles et des ovaires. Voilà, vous aurez un petit peu quelque chose de séminal ce soir dans la sélection musicale que je vous ai dénichée. Et on va continuer après ces grands noms de la scène rock gothique, après Peter Murphy, après les Californiens de True Sound of Liberty, on va aller vers un autre grand nom, Robert Smith et son groupe The Cure. Vous savez, Robert Smith, le mec qui nous chantait Friday, I'm in love. Bon, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas vendredi, on est mardi, donc du coup, on va écouter autre chose. Et pour nous changer un petit peu des lolcats qu'on voit sur internet, et bien tout de suite, on va écouter The Cure, The Love Cats. Cut. quand un mec couche avec plein de filles, c'est un donjon. Quand une fille couche avec plein de mecs, bah, c'est une salope. Ce préjugé à la vie dure et à l'instant, le bijou renversait un petit peu les codes dans ce titre. Garçon facile qu'on vient d'écouter à l'instant, et ces garçons se renversaient un petit peu les codes, disais-je, en jouant un peu aux garçons prodigues avec leurs bijoux de famille, en quelque sorte. Et à l'instant, juste avant ça, on écoutait The Cure, d'autres anciens jeunes gens, avec le titre Love Cats, qui est quand même un petit peu plus mignon quand Robert Smith parle de chat d'amour que quand Donald Trump parle d'attraper les nanas par la chatte. Mais bon, là on parle un petit peu d'autre chose. Mais tout ça c'est bien beau, mais il n'y a pas que le cul dans la vie. Il y a aussi les histoires d'amour, on a chacun les nôtres et parfois elles sont un petit peu tristes. Ce sont un peu des contes de la tristesse ordinaire, on pourrait résumer ça comme ça de façon un peu poétique. Et bien justement c'est l'objet du titre avec lequel on va continuer, Electrocute, Tales of Ordinary Sadness. Game over, je me sens perdu, je touche le fond comme si j'avais des bottes de plomb. Des bottes de plomb. En Brunet, je navigue à vue, sans navigant, j'ai bu, j'aimerais tourner la page. J'ai pas la triforce du courage. La triforce du courage. J'ai plus qu'un quart de cœur. J'ai plus qu'un quart de cœur. Un quart de cœur. Vous connaissiez peut-être les concepts d'Eros et Thanatos en psychanalyse, hein, Eros, déesse de l'amour, et dieu de l'amour plutôt, et Thanatos lié plutôt à la mort dans la mythologie grecque antique. Je ne sais pas si ce morceau aurait plu à Sigmund Freud, toujours est-il que c'était un petit peu le thème avec ce titre de Porn Overlord qu'on vient d'écouter, Sex After Death, hein, l'amour après la mort, allez-y, mollo quand même, et c'était enchaîné juste avant ça avec une petite parodie, une chanson parodique d'Usul à l'époque où il faisait ses chroniques sur jeuxvideo.com. Et où il racontait un petit peu le point de vue de des geeks sur l'amour, en fait, l'amour geek, hein, surtout c'est compliqué quand tu incarnes Link dans le jeu Zelda et qu'il te reste plus qu'un quart de cœur pour finir le jeu, c'est un petit peu compliqué, hein, mais bon, la quête de Zelda, c'est un petit peu un conte en jeu vidéo en quelque sorte, hein, et puis justement, bah, un conte c'était ça qui précédait tous ces deux morceaux enchaînés avec le titre Tales of Ordinary Sadness du groupe Electrocute. qu'on avait écouté un petit peu auparavant. Voilà, chers amis, Sex After Death, l'amour après la mort. À vos risques et périls, bien entendu, ça me rappelle une blague qu'on m'a racontée il y a pas ce week-end, en fait. Vous savez quel est le point commun entre un nageur et un nécrophile ? Bah, c'est que les deux disent « Oh, au début, elle est un peu froide, et puis après, finalement, on est bien dedans. » Point, point, point, point, point. Voilà, amis de la poésie, bonsoir. Alors bon, bah, je sais pas ce que vous pensez de cette plaisanterie. Peut-être que vous ne la trouverez pas à mourir de rire. Eh bien justement, peu importe, parce que finalement, à mourir, c'est la mourir. C'est le titre des Young Gods avec lequel on va continuer. Yeah. dit merde à l'amour ce soir sur Osmose Radio. En tout cas, à l'instant, on le disait par procuration avec le groupe Vive la Fête, qui était enchaîné juste avant avec non pas des Belges comme Vive la Fête, mais des Suisses, The Young Gods, avec le titre La Mourir. Parce que, ouais, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est un petit peu le propos ce soir d'ailleurs, c'est une playlist un petit peu Saint-Valentin, avec des relents d'amour, et voire de stupre dans la playlist. Mais bon, quand on dit merde à l'amour, on dit parfois aussi, surtout, merde à tout l'aspect commercial de la Saint-Valentin. Et comme on aime à le dire, parfois, léchez votre partenaire, pas les vitrines. Faites l'amour, pas les magasins. Voilà, c'était aussi un petit peu l'objet de notre propos dans l'émission Erosmos, vendredi dernier. Une émission que j'ai faite avec Jérémy et Laurence, et que vous pouvez retrouver incessamment sous peu, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, sur la rubrique podcast d'Osmos Radio. Lucas, le gentil technicien d'Osmos Radio, me fait signe qu'elle est bien sur le site osmos-radio.fr, donc si vous voulez aller vous rincer les oreilles, eh bien rendez-vous sur le site. Hein. Lucas, c'est le beau gosse d'Osmos Radio, et accessoirement, il est technicien et régisseur aussi, c'est surtout pour ça que j'apprécie en fait. Voilà, voilà, voilà, soyez les bienvenus sur Osmos Radio, justement, chers amis, vous êtes bien avec Stéphane dans l'heure du loup, et on est ensemble pour encore quelques poignées de minutes de musique et d'amour, et avec cette playlist Saint-Valentin. Et quand on pense à l'amour, on pense aux amoureux, évidemment, et parmi les plus mignons que nous ont livré le cinéma notamment, on pense à Morticia et Gomez Adams. Alors bon, ils sont sombrement et bizarrement mignons, j'en conviens, mais tout de même, et quand même le dire parfois Morticia, l'amour parfois ça se passe dans les coins sombres et humides. Et bien justement, c'est un petit peu le propos du morceau avec lequel on va continuer, Love in Shadows, The Deep End. Change it all back for you. Mais c'est pas vrai qu'il est encore question d'amour ce soir. Tout ça parce que c'est une playlist sur le thème de la Saint-Valentin. À l'instant, c'était The Deep End avec le titre Love in Shadows. L'amour, l'amour, l'amour. Pff, on en fait des gorges chaudes. Tu parles, le sexe, c'est bien aussi, hein, on en fait des gorges profondes. Et bien justement, tiens, je vous ai ramené un morceau qui parle de plan cul, justement, et de manière assez crue. Mais en anglais dans le texte, hein, pour rester un petit peu pudique quand même, on est en France. Et bah justement, je vous ai ramené un titre, un groupe qui fait de l'EBM, en fait, Electronic Body Music, vraiment de la musique pour transpirer sur le dance floor ou ailleurs, et qui colle un petit peu à ce genre de thème-là. Donc pour le moment, bah, je vous propose d'écouter ce titre-là que je vous ai gardé pour la fin de l'émission, le moment où j'aborde des choses un petit peu plus crues. Tout de suite, on écoute Dupont, Motel Lover. Thank you. vois ton si joli visage. Je sens ton corps qui se réveille. Alors j'ai peur que tu t'en ailles. Je passe ma main dans tes cheveux. Je crois que c'est la dernière fois. Et c'est toujours un peu dangereux de s'attacher à qui que ce soit. L'électro qui transpire le foutre et le stupre, et puis de l'électro qui a un petit peu côté, un petit côté sentimental et voire un petit peu romantique et tendre, et bien c'est ce à quoi vous avez eu le droit à l'instant avec deux titres enchaînés. Tout d'abord Dupont, Motel Lover, et ensuite Sexy Sushi, un groupe français avec le titre Retour de bâton. Pour une fois que Sexy Sushi ne fait pas des chansons un peu tentendieuses, un peu coquines et parfois même graveleuses, ça mérite d'être signalé avec ce titre Retour de bâton qu'on vient d'écouter un instant. Et Dupont Motel Lover, ben là c'est exactement l'inverse. Dupont, je crois que c'est un groupe qui nous venait dans les années 2000 de Scandinavie, de Suède je crois, et la Suède justement en était question récemment dans un très bon documentaire de la réalisatrice Ovidie qui est encore disponible sur le compte YouTube d'Arte, hein, Arte plus 7, donc allez voir ça, hein. Ça parle de la situation des prostituées, puisqu'on parlait de sexe et d'amour ce soir, ça parlait de la situation des prostituées en Suède, ce pays tout de même très puritain et carrément hypocrite. On arrive vers la fin de l'émission, mes chers amis, on va aller vers des choses un petit peu plus douces pour conclure tout doucement. Et puisqu'on parlait d'hypocrisie là à l'instant, un truc qui est parfois de l'hypocrisie, parfois tout à fait sincère, et qui m'intrigue quelque peu, c'est quand les gens disent qu'en fait l'amour ça ne compte pas tant que ça, c'est, il vaut mieux avoir de l'argent, ce en quoi ils n'ont pas tout à fait tort, et par contre ce qui manque c'est la tendresse. On peut se passer d'amour mais pas de tendresse, alors ça c'est un curieux paradoxe, mais c'est un paradoxe que j'ai l'impression que je comprends les gens qui disent ça, et pour une fois que moi je comprends les humains et que je les approuve, ça mérite d'être signalé. Et c'est valable pour les sociétés occidentales, mais aussi pour des sociétés très éloignées, comme la Chine par exemple, où on n'a pas du tout la même conception de l'amour et de l'argent, et de la place de l'argent dans la vie, et de la place de soi-même, de l'individu dans la société. Donc vous voyez, les points de vue se rejoignent. L'amour, on peut s'en passer, et par contre la tendresse, c'est beaucoup plus dur. Ben justement, les étreintes dont on a tous besoin, bien que ce soit parfois difficile à admettre, l'étreinte, la tendresse, c'est un petit peu l'objet du morceau avec lequel on va continuer, Dainé Lakayen, et le titre Into My Arms. Like a rising monster, all the Les deux beaux gosses du groupe allemand Dine et La Cayenne avec le titre Into My Arms, c'est leur belle voix de velours grave qu'on écoutait à l'instant sur ce titre Into My Arms, dans mes bras. Ouais, j'espère que vous allez bientôt vous retrouver dans les bras de votre chère et tendre, et que si vous n'en avez pas pour le moment, ça va pas tarder, ou sinon bah, faites ça en bande à plusieurs ou avec des bestioles qui sont assez coopératives en général, et enfin tant qu'on va pas trop loin ni trop profond. Et toujours est-il que pour cette journée de demain, que vous la fêtiez ou non, je vous souhaite de passer du bon temps, mes petits loups. Voilà, c'était la playlist de Saint-Valentin dans l'heure du loup que je tenais à vous faire ce soir. La semaine prochaine, je vous emmène en Chine, puis en Asie en règle générale, puisque ce week-end, c'est le nouvel an chinois. Voilà, mais pour ce soir, quand même, je ne voulais pas conclure cette sélection musicale sans vous rappeler que l'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, hein. Et puis, c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui plaît de refuser. Mais des fois, quand même, il s'amène, il chante et c'est très beau. Et justement, bah, c'était avec une autre voix de velours, mais celle de Maria Callas, qu'on va se quitter pour ce soir, mes petits loups. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, restez sur Osmose Radio et tout de suite on écoute La Banera de Carmen par Maria Callas. Bisous, salut. Surprendre, partir.